Pourquoi est-ce que la rue est barrée? C'est parce que la banque a été attaquée. Comme ça vient d'arriver, tout est encore bloqué. Les voleurs ont été arrêtés? Non, la police est arrivée en retard à cause de la circulation. Et les voleurs ont réussi à s'échapper grâce à des complices. C'est peut-être la bande à Ferdinand? Non, ça peut pas être lui, puisqu'il est déjà en prison.